Bonjour Raphaël, bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui un vendredi 13, Oui. 13 avril. Quel 13 avril avez-vous choisi? Le 13 avril 46, 1946, le jour du vote de la loi Marthe Richard qui impose la fermeture des maisons closes, les maisons de tolérance comme on disait à l'époque. Alors, qui était donc cette Marthe Richard? Ah, c'est un personnage intéressant. Elle a même été prostituée, mais aussi pilote d'avion. Elle est une des premières femmes à obtenir un brevet de pilote. Elle prétend aussi avoir été espionne pendant la Grande Guerre. Elle s'est mariée à un riche industriel et au moment de la loi, elle est devenue conseillère municipale de Paris. C'est selon elle pour protéger les prostituées qu'elle veut faire interdire les maisons closes. À l'époque, il en existe quelques 1500 à travers la France, dont 180 à Paris, des lieux célèbres pour certains, des institutions comme le One Two Two, le Panier Fleuri ou encore le Moulin Galant. Et ce sont des endroits malfamés, dangereux pour les prostituées? Alors ça dépend tout à fait des maisons, ça, hein, et ça dépend, certaines sont plutôt protectrices. Alors effectivement, d'autres sont de véritables bouges, sans hygiène, sans intimité. Certaines filles font jusqu'à 70 passes par jour, hein, dans ce qu'on appelle les tôles d'abattage. Sans compter que certaines maisons sont parfois des repères de brigands, de voyous. Bref, les autorités sentent qu'il faut agir, et c'est la proposition de Marthe Richard qui va être le déclencheur. À l'échelle de Paris, Franck, ou de toute la France? L'idée de la conseillère de Paris s'appliquait au départ à la capitale, mais ça va faire boule de neige. Le ministre de la Santé s'en empare, puis un député qui propose la loi. Loi votée donc ce 13 avril 1946, appliquée le 6 novembre. Attention, ça ne signifie pas que la prostitution soit interdite. Simplement, elle va perdre ses cadres. Et vous savez qu'aujourd'hui, alors, c'est un grand débat entre ceux qui veulent l'interdiction pure et simple et puis ceux qui voudraient carrément rétablir les maisons closes. Franck, on se retrouve tout à l'heure, 14h sur Europe 1. Oui, pour une émission consacrée à l'incomparable Fred Astaire.